Bouteille à la mer, un podcast d'échange, une discussion, un partage d'expériences. J'aimerais vous proposer d'écouter les histoires de personnes à la fois uniques et ordinaires. Des personnes comme vous et moi, que vous avez peut-être déjà croisées, à qui vous n'avez sûrement jamais parlé. Ne vous êtes-vous jamais demandé quel était le passé de votre voisin de palier ? Comment a été éduqué votre prof de maths au collège ? Ou encore, quelle adolescence cette dame à qui vous laissez votre place dans le bus a-t-elle eu ? Eh bien moi oui. Et avec ce podcast, j'aimerais partager avec vous toutes ces histoires inconnues, poser les questions qu'on ne pose jamais, discuter autour de la vie de mes invités, parler de leur vision des choses et de notre société. Avant de m'immiscer dans la vie de mes invités, je voudrais moi-même me présenter à vous. Je m'appelle Mathilde, ou Panda, comme dirait mon père. J'ai 21 ans et je suis étudiante. J'aime le riz au curry, les crêpes, la plage et le printemps. Ma mère était une femme merveilleuse, aux origines algériennes, et mon père est un homme fort, franco-guinéen. Je suis l'aînée de 3 enfants, je suis végétarienne depuis presque 10 ans, et je suis fan de tatouages. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, je vais pouvoir vous laisser écouter toutes les histoires de ce podcast, en espérant qu'elles vous inspireront. À bientôt !